Bonjour chers amis et bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Amaury. Et moi c'est Christella et on est là aujourd'hui pour une leçon avancée sur l'argot. L'argot donc, vous savez que FrenchPod vous propose le français de tous les jours, le français réaliste. Et on ne peut pas avoir de meilleure leçon que celle d'aujourd'hui. Oui, en fait, dans cette leçon, on va apprendre des expressions qui sont vraiment très communes dans la vie de tous les jours, très utilisées par les jeunes notamment. Par les jeunes, mais aussi, alors évidemment, qu'on peut retrouver à la télévision, dans les livres aussi. Oui, aussi, des expressions très courantes. Là, en fait, c'est un contexte de dispute. Il y aura de l'enthousiasme dans ce dialogue. Voilà, et beaucoup de vocabulaire intéressant. Donc, on va écouter le dialogue. C'est parti, on écoute le dialogue ensemble. Désolé ma puce. T'es sérieux là? T'as vu l'heure? Je suis désolé, j'ai raté le train. Non mais t'es tout le temps en retard, ça me saoule. Regarde là, on a loupé la séance à cause de toi. Voilà, l'après-midi est gâché, c'est bon. Dis pas ça, on a loupé la séance, mais on peut faire autre chose si tu veux. Viens, on va chez moi. Chez toi? Y'a qui chez toi? Y'a ta mère? Non, ma mère est encore au taf, t'inquiète. Je pense qu'il doit y avoir mon frère et ses potes, c'est tout. Tu rigoles là? Non, laisse tomber. Ça c'est encore un de tes vieux plans où on va se retrouver devant la plaie avec tes potes à descendre des canettes. Non, lâche affaire, je rentre chez moi. Ne sois pas comme ça. En plus, qu'est-ce que ça veut dire? Vieux plan avec mes potes. Tu les aimes pas, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste pas envie de traîner avec eux, là, c'est tout. Mais c'est pas mes potes, c'est ceux de mon frère. En plus, tu crois que ça me plaît quand tu m'invites à tes après-midi shopping entre meufs? Ou quand je te vois chatter sur MSN avec ton ex, tu crois que je kiffe peut-être? Et c'est pas de changer de sujet. Je ne change pas de sujet, je te dis juste que ça m'énerve. Attends, non seulement t'es à la bourre, mais en plus tu te permets de m'embrouiller? T'as cru que j'étais venue pour qu'on se prenne la tête? Et je me casse. Ok, nous voici de retour. Alors ça se termine quand même pas très bien. Ouais, pas super bien, surtout pour le garçon en fait. Ouais, il a un peu exagéré. Pourtant, il était bien arrivé. Ouais, il a essayé. Il a appelé sa petite amie, parce que c'est un petit ami et une petite amie. Il l'a appelé ma puce. C'est quand même gentil. C'est vraiment très gentil. C'est une puce, c'est un petit insecte. Je pense que vous connaissez un petit insecte qui saute d'un animal à un autre. Afflé. Mm-hmm. Mais bon, il n'y a vraiment rien de méchant, non, franchement. Même si ça doit paraître étrange pour des anglophones, mais en français, c'est vraiment très gentil. Moi, je sais que j'apprécie beaucoup quand on m'appelle ma puce. Ah oui, moi, j'appelle vraiment souvent, même des amis eux ou même des amis masculins, ma puce. Alors la jeune demoiselle est très énervée parce que le jeune homme est arrivé en retard et c'est parce qu'il a loupé le train. Donc là vous voyez deux verbes familiers pour dire manquer le train. Ouais, ça veut dire exactement la même chose. Malheureusement Christella, moi ça m'arrive vraiment souvent. Je loupe le train, je le rate en permanence. Pas toi? Non. Christella, toujours à l'heure. Et donc qu'est-ce que je dis dans ces cas-là? Ça me saoule. Ça me saoule, ça m'énerve, ça m'irrite. Là, ce qu'il y a d'amusant, c'est que saouler, en fait, ça veut dire rendre quelqu'un ivre, faire boire de l'alcool à quelqu'un. Et vraiment, ça peut faire penser à l'expression anglaise « it pisses me off ». Ouais. Et c'est vraiment ce que ça veut dire. Là, le sens est vraiment rendu. Ça me saoule. Et alors, le problème, c'est qu'il y a d'autres occasions où j'utilise également « ça me saoule ». Tu vois? Par exemple, Amaury? Quand je regarde la télévision, quand je vois toutes les émissions, genre les émissions de télé-réalité. Qui ne t'intéressent pas vraiment. Qui ne m'intéressent pas du tout. Qu'est-ce que tu dis, Amaury? Ça me saoule de voir toutes ces émissions de télé-réalité. Ok, je pense qu'on a bien compris le sens, Amaury. Merci. Moi, j'ai un autre exemple. Vas-y, dis-moi. Alors, Amaury, bon, tout le monde n'est pas au courant, mais tu parles très souvent de filles au bureau, tu ne t'en rends pas compte. Moi, jamais. Si. Ah bon? Et ça me saoule quand Amaury parle tout le temps de filles. Moi, je te saoule. Ah là là là. Enfin. Et puis après, on voit que okay. Que la jeune fille, elle dit c'est bon. Elle utilise « c'est bon ». En fait, là, c'est pas dans le sens « c'est bon » dans le sens positif, ouais. Mais plutôt dans le sens « c'est bon, c'est fini, il n'y a plus d'espoir ». D'accord. Et puis l'après-midi est gâché, c'est bon. Ouais, donc notre chère demoiselle n'est pas très heureuse, en fait. Hein. Bon, alors, mais quand même, dans le dialogue, bon, c'est vraiment quand même un type assez sympathique qu'on a là. Donc, en fait, le jeune homme, il essaye d'apaiser les esprits de cette demoiselle. Ben oui, il fait ce qu'il peut. Et puis, il lui propose, puisqu'ils ont manqué la séance de cinéma, il lui propose d'aller chez lui. Et elle est inquiète, elle veut pas qu'ils arrivent chez lui. Non, elle a pas envie de voir la mère. Voilà, elle inquiète, elle n'a pas envie de voir sa mère. Et il la rassure, il lui dit, non, ma mère est encore au taf. Alors, le taf... C'est un mot familier pour dire le travail. Ouais. Il y a aussi un verbe qui va avec. Taffer. pour dire travailler. Par exemple, j'ai taffé toute la journée, je suis fatiguée. J'ai travaillé toute la journée, je suis fatiguée. Oh, mais c'est pas grave, t'adores ton taf. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et puis il lui dit aussi t'inquiète, pour lui dire t'inquiète pas en fait. Oui, donc un peu comme toutes les expressions ici, c'est une manière familière de dire... Ne t'inquiète pas. Ouais, alors par contre, elle est dure. Non, elle a des doutes quand même. Des doutes, oui. Et elle lui dit, c'est encore un de tes vieux plans. Alors, un de tes vieux plans, le vieux ici ne signifie pas vieux au niveau de l'âge, mais ça signifie, c'est encore un de tes plans inintéressants, nuls. C'est bien ce que je disais, elle est dure avec ce pauvre jeune homme. Bah, elle est fâchée, elle a peut-être attendu 40-45 minutes, donc ça peut se comprendre. Mais regarde, elle le prend à partie maintenant, elle lui dit, ouais, on va se retrouver encore devant ta Play, il peut jouer à sa PlayStation. C'est vrai, je peux jouer à la PlayStation, mais c'est pas toujours sympa pour une fille qui n'aime pas jouer aux jeux vidéo, par exemple. Au lieu de se retrouver toute seule avec son chéri, de se retrouver avec lui, et il est en train de jouer à la console de jeu avec ses potes. Mais attends, elle fait pas que ça. Ça va, ils vont descendre des canettes ensemble. Non mais c'est le paradis. Et si elle aime pas l'alcool, elle a peut-être pas envie qu'il finisse des canettes de bière comme ça. Bah c'est pour ça d'ailleurs qu'elle lui dit « bah lâche l'affaire ». Dans le sens « laisse tomber », une expression très familière aussi ici. Lâcher dans le sens laisser tomber, l'affaire, la chose, laisse tomber quoi. Je rentre chez moi. Ouais, elle dit ça en plus, pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas envie de traîner avec ses potes. Alors, traîner avec quelqu'un, c'est un sens assez péjoratif. Traîner avec quelqu'un, ça veut dire tout simplement to hang around. Là, elle lui signifie bien clairement que ça ne l'intéresse pas du tout. Mais là, il a une petite revanche quand même. Il revient, il dit attends. Ça se passe pas toujours comme ça. Toi aussi ? Tu m'invites à tes après-midi shopping entre meufs. Alors là, on a le mot meuf. Donc ce mot meuf est un mot qui fait partie du verlan. Et le verlan, c'est un type d'argot français. Un type d'argot où on change l'ordre des syllabes d'un mot. Et là, c'est le mot femme dont les deux syllabes ont été échangées, donc c'est devenu meuf. Et puis il y a d'autres mots comme ça, très communs, qui sont utilisés en verlan. Merci est devenu cimer. Et le mot louche, pour dire bizarre, étrange, est devenu chelou. Et moi, je reconnais que c'est un mot que j'utilise beaucoup, chelou. Ah ouais ? Ouais, en parlant d'un garçon qui est vraiment étrange, par exemple, que je rencontrais dans la rue, pour dire what a freak, je dis il est chelou, lui. Enfin bref. J'espère que tu m'as jamais traité de chelou. Non, t'inquiète pas, Maurice. Ça va, je n'en suis pas encore à ce point-là. C'est bien, on a vu un peu de verlan en même temps, parce que c'est vraiment quelque chose de typiquement français. Puis on voit qu'il est pas content aussi, le jeune homme, quand il la voit chatter sur MSN avec son ex. Alors, chatter, c'est tout simple, ça vient de l'anglais, to chat. Et ce verbe a été repris en français, ce verbe a été francisé. On a rajouté ER, chatter, pour que ça sonne... Comme si c'était de chez nous. Exactement, comme c'était aimer, parler, manger, chatter. Avec l'ex. Voilà. Et donc évidemment, lui, il est pas très heureux, il dit... Tu crois que je kiffe, peut-être ? Kiffer, c'est un mot d'argot qui signifie aimer bien, aimer beaucoup. Là, il veut dire tu crois que ça me plaît, peut-être ? Donc il dit tu crois que je kiffe. Et on peut kiffer quelqu'un, on peut kiffer quelque chose. Par exemple, on peut dire je kiffe le Seigneur des Anneaux. Le film, donc. Le ouais. Film, le Seigneur des Anneaux. Voilà, et on avait vu tout à l'heure le mot taffé. Kiffer, on a le verbe ici. Est-ce qu'il y a un kiff aussi ? C'est un nom ? Oui, c'est aussi un nom. On peut dire le badminton, ça c'est vraiment mon kiff. Moi j'ai un ami, jouer de la musique c'est vraiment son kiff. Ok, mais il n'y a rien à faire. Ça n'aide pas à arranger la situation. Et la jeune fille est fâchée. Et puis elle lui dit, mais non seulement tu es à la bourre. Donc c'est l'expression être à la bourre. C'est trois mots. Oui. À la bourre. Et ça veut dire, c'est une expression familière pour dire être en retard. Et puis elle lui dit, non seulement tu es à la bourre, mais en plus tu te permets de m'embrouiller. Alors embrouiller quelqu'un, c'est reprocher à quelqu'un quelque chose, commencer une dispute. Par exemple, je suis venue ce matin au travail et mon patron m'a embrouillé. Il m'a reproché plein de choses. C'est un exemple, ceci est un exemple. Et puis il y a deux cas où en français parlé très courant, où vous allez entendre le mot embrouiller. Il y a embrouiller quelqu'un, donc qu'on vient d'expliquer, ouais. Et s'embrouiller avec quelqu'un, dans le sens se disputer avec quelqu'un. On peut par exemple dire « je me suis embrouillée hier soir avec mon petit ami ». D'accord. Et ce qui est bien par exemple entre nous, c'est que Christella et moi, on ne s'embrouille jamais. Et alors dans la continuité, elle lui demande « t'as cru que j'étais venu pour qu'on se prenne la tête ?» Alors cette expression, se prendre la tête. Une expression quand même un peu figurée. Là maintenant, on peut imaginer quelqu'un qui se tient la tête avec les deux mains dans une situation assez problématique. Voilà, où il y a un problème ou une dispute. Par exemple, je me suis pris la tête pendant des heures sur un problème de maths, un problème de mathématiques. Ouais. Ici, donc, elle lui dit « Tu crois que j'étais venue pour qu'on se dispute violemment, comme ça, pour qu'on s'énerve ?» Et puis la toute dernière, là, elle n'en peut plus, elle en a marre, elle dit « Je me casse ». Fantastique expression, « je me casse ». Très familière, au très, sens très, très fort, ouais. Hein, pour dire « je m'en vais », à utiliser avec précaution, étant donné que le sens est très fort. Par exemple, je ne dirai jamais à ma mère « je me casse ». Eh bien, si on réécoutait le dialogue, pour que vous puissiez à nouveau réécouter toutes ces expressions et vous en imprégner. Désolé ma puce. T'es sérieux là? T'as vu l'heure? Je suis désolé, j'ai raté le train. Non mais t'es tout le temps en retard, ça me saoule. Regarde là, on a loupé la séance à cause de toi. Voilà, l'après-midi est gâché, c'est bon. Dis pas ça, on a loupé la séance, mais on peut faire autre chose si tu veux. Viens, on va chez moi. Chez toi? Y'a qui chez toi? Y'a ta mère? Non, ma mère est encore au taf, t'inquiète. Je pense qu'il doit y avoir mon frère et ses potes, c'est tout. Tu rigoles là? Non, laisse tomber. Ça c'est encore un de tes vieux plans où on va se retrouver devant la plaie avec tes potes à descendre des canettes. Non, lâche affaire, je rentre chez moi. Ne sois pas comme ça. En plus, qu'est-ce que ça veut dire? Vieux plan avec mes potes. Tu les aimes pas, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit, j'ai juste pas envie de traîner avec eux, là, c'est tout. Mais c'est pas mes potes, c'est ceux de mon frère. En plus, tu crois que ça me plaît quand tu m'invites à tes après-midi shopping entre meufs? Ou quand je te vois chatter sur MSN avec ton ex, tu crois que je kiffe peut-être? Et c'est pas de changer de sujet. Je ne change pas de sujet, je te dis juste que ça m'énerve. Attends, non seulement t'es à la bourre, mais en plus tu te permets de m'embrouiller? T'as cru que j'étais venue pour qu'on se prenne la tête? Là, je me casse. Alors aujourd'hui, c'était un dialogue vraiment très intéressant. Tout à fait, qui était vraiment de la vie de tous les jours. Oui, voilà, en écrivant ce dialogue, on espérait que ça vous aiderait, vous auditeurs, à mieux comprendre les jeunes en France, tout simplement, ou aussi à mieux comprendre les films français. Il y a beaucoup de films français où ils s'expriment de cette manière également. Tout à fait, ou dans certains livres également. On espère que vous avez appris beaucoup d'expressions d'argot. Donc moi, ce que je préfère dans le dialogue ici, c'est quand au début, il l'appelle « ma puce ». C'est vraiment une expression sympathique, comme il y en a beaucoup pour appeler quelqu'un. Par exemple. Donc évidemment, on a ma chérie, mon ange, mon amour, ma biche. Ma biche? Mais ouais, ma biche. Bon, par contre, évidemment, cette expression est plus ancienne. D'accord. Et c'est marrant parce que même les garçons aussi s'appellent par des expressions comme ça, comme ma puce, ma poule, vous entendrez ça parfois. Et alors toi, est-ce que t'as aussi une expression qui te fait particulièrement sourire ou que tu aimes particulièrement ici? Alors moi, j'aime le fait qu'en français, on raccourcisse les mots. Par exemple, on aime bien, au lieu de dire PlayStation ici, ouais, ils disent vrai. Play. Ouais. Au lieu de dire McDonald's, on dit McDo. Ouais, on va au McDo. Au lieu de dire cinéma, on aime bien dire ciné. Restaurant, resto. Voilà. Ou le Coca-Cola même. On dit Coca. Tu veux un Coca? J'aime bien quand on raccourcit les mots comme ça. La première fois que j'ai entendu play, ça m'a bien fait rigoler. Et donc voilà, on espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui, que cette leçon vous a plu. Vous voilà donc un peu mieux paré pour affronter les Français dans la vie de tous les jours. Et puis on vous dit à très bientôt pour la prochaine leçon avancée. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir à Maurice. Salut. Au revoir.